Ndikomanyanga. Requiemana sur la mise en onde, nous sommes dimanche 24 novembre 2024. C'est le moment du journal, donc voici d'abord le sommaire. 20 ans de prison ferme, c'est le jugement rendu l'après-midi de ce samedi par le tribunal de grande instance de Rumonge. Siégeant en matière de flagrance contre un jeune homme de Murara en commune Burambi de la province Rumonge pour avoir assassiné son neveu de 7 ans afin d'avoir une vie meilleure. Les agriculteurs qui exploitent le marais demandent ainsi séparant les communes Gattara et Kayanza disent que le projet de la mise en commun de terres cultivables a augmenté la production agricole au cours de la saison culturelle A, mais indique que le retard des semences sélectionnées du maïs hybride et des fertilisants impacte négativement souvent sur le rendement agricole. Et la chronique nutrition de ce dimanche porte sur le principal atout nutritionnel de la tomate qui est sa richesse particulière en vitamine C et lycopène. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page justice, 20 ans de prison ferme. C'est le jugement rendu l'après-midi de ce samedi par le tribunal de grande instance de Rumonge, siégeant en matière de flagrance contre un homme de Murara en commune Burambi de la province Rumonge. Ernest Ndaikeza s'est rendu coupable de meurtre prémédité contre son neveu et un garçon de 7 ans. Il a plaidé coupable pour avoir obéi à une voix qui lui exigeait un sacrifice afin d'avoir une vie meilleure. Le détail avec Jean-Pierre Misako. Dans cette audience publique d'au moins de 20 minutes, Ndaikeza Ernest, accusé d'avoir planifié et exécuté l'assassinat à la machette de son neveu de 7 ans, de sa sœur mariée ailleurs, a plaidé coupable. Il a déclaré avoir entendu une voix l'appelant à sacrifier une personne de sa famille pour avoir une vie meilleure. Selon ses déclarations, il a d'abord pensé à sacrifier son père et a finalement opté de sacrifier son neveu. Une mission avortée lundi 18 novembre courant pour finalement être exécutée l'après-midi de ce vendredi. Après avoir exposé le déroulement des faits, le tribunal a voulu savoir s'il avait de bonnes relations avec son neveu, comment il se sentait après son meurtre ou s'il a besoin d'un avocat. Pour ce qui est de ses relations avec son neveu, il a dit qu'elles étaient très bonnes et qu'il se sent bien après son meurtre. Et s'agissant du besoin d'une assistance, il a dit qu'il n'a rien à dire à propos. Le substitut du procureur a requis une peine à perpétuité alors que l'accusé demandait pardon. Après délibération, le tribunal de grande instance de Rumonge a décidé 20 ans de prison ferme en vertu des articles 215 du Code pénal livre 2 et 312 du Code de procédure pénale. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Restons à Rumonge pour parler éducation. Un don de 100 bancs pupitres a été offert à la commune de Rumonge ce samedi. La société d'assurance du Burundi qui a offert ce don dit qu'il s'agit d'une contribution visant à résoudre le problème de manque de bancs pupitres de plus de 7000 dans cette commune. Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, salue ce don et appelle les autres sociétés à faire de même pour redresser le secteur de l'éducation, considéré par la commune Rumonge comme une priorité pour le développement. Jean-Pierre Misago, encore une fois. Dans son discours de circonstance à l'école fondamentale Mugweji, où la commune Rumonge est en train de construire des salles de classe en étage, l'administrateur directeur général de la société d'assurance du Burundi a dit qu'il s'agit de leur contribution dans le cadre d'appuyer la commune Rumonge dans son vaste projet de trouver solution à plusieurs problèmes rapportés dans le secteur de l'éducation, et parmi ces problèmes, problème figure celui du manque criant de bancs pupitres. Pour Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, c'est une aide qui vient à point nommé dans cette commune scolaire dont le besoin en bancs pupitres s'élève à 7751. Il informe que la commune a une promesse de 2000 bancs pupitres de la part du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, une promesse qu'on ignore à cas sans concrétisation. Tout en saluant cette aide de la Sokabu, l'administrateur communal de Rumonge demande aux autres sociétés de lui emboîter le pas. Du côté de la commune Rumonge, l'administrateur de cette commune dit qu'une demande d'arbres pour l'obtention des planches à cette fin a été introduite au ministère ayant l'environnement dans ses attributions et a obtenu 112 arbres. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Capé sur Kayanza pour parler agriculture. Les agriculteurs qui exploitent le marais de Mandassi, séparant les communes Gattara et Kayanza, disent que le projet de la mise en commun des terres cultivables a augmenté la production agricole de plus de 2 fois. Toutefois, ils indiquent que le retard de semences sélectionnées du maïs hybride et des fertilisants impactent négativement souvent sur le rendement agricole. Adeline Saba, directeur du bureau provincial à Kayanza, en charge de l'agriculture, élevage et protection de l'environnement, tranquillise les agriculteurs que les études de maïs hybride qui sera multipliée localement sont déjà en cours, n'est-ce pas Patrick Senghiumfa? Le projet de la mise en commun des terres pour faire la culture en bloc, surtout pour les cultures dits haricots et du maïs dans les marais, dure déjà 4 ans en province Kayanza. Les agriculteurs qui exploitent le marais de Mandassi séparant les communes Kayanza et Gatala avec lesquelles nous nous sommes entretenus disent que la production s'est beaucoup améliorée. Les propos qui sont confirmés d'ailleurs par Adeline Nyonsawa, directeur du bureau en charge de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement à Kayanza, qui fait savoir qu'aujourd'hui, avec la mise en commun des terres cultivables, on peut avoir le rendement agricole du maïs allant de 3 à 5 tonnes par hectare. Toutefois, les agriculteurs exploitant le marais de Mandassi déplorent le retard des semences hybrides du maïs et des fertilisants organominéraux. À ce sujet, le directeur du bureau en charge de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement à Kayanza les tranquillise qu'Elisabou est en train de mener des études pour produire des semences qui pourront les jours à venir remplacer les semences du maïs du panne 5 qui sont importés à l'étranger du pays. Vous saurez que les agriculteurs à Kayanza grognent également de l'indisponibilité des fertilisants à usage pour le cerclage de leurs champs du maïs. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi, on va pour la radio Isanganiro. De Kayanza, rendons-nous à Bubanza où la pauvreté dans les familles, l'ignorance, la discrimination et autres sont des défis auxquels sont confrontées les femmes de cette province qui reste en arrière et qui ne parviennent pas à arriver au niveau des instances de prise de décision. Elles l'ont dit ce vendredi à Bubanza lors d'une journée de réflexion organisée par le collectif des associations féminines de la région des Grands Lacs, COCAFEM, de l'État avec Space Caritas Cabanina. Des femmes militaires rencontrées à Bubanza ce vendredi ont soulevé différents problèmes auxquelles sont confrontées la majorité des femmes, entre autres les moyens limités, le manque de liberté dans le ménage, la discrimination, le manque de connaissances suffisantes et autres. Elles ne parviennent donc pas à occuper des postes de prise de décision suite à ce manque d'épanouissement, comme elles l'ont signalé, tout en proposant certaines voies de sortie, comme des sensibilisations envers toute la population en général et envers les femmes en particulier, qui sont également appelées à adhérer dans des coopératives et associations, comme l'a souligné le conseiller du gouverneur ayant en charge des affaires sociales. Ces femmes leaders, élues sur différentes collines et membres des conseils communaux ainsi que les responsables des associations féminines, s'était réuni à Bouanza ce vendredi pour une journée de réflexion organisée par le collectif des associations féminines de la région des Grands Lacs, COCAFEM en sigle, sur le thème « Participation des femmes burundaises dans les instances de prise de décision, défis, opportunités et approches de solutions ». Spécialitas Kabanyana, Bouanza, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le principal atout nutritionnel de la tomate est sa richesse particulière en vitamine C et lycopène, substance antioxydant dont les effets protecteurs sur la santé. Selon Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, la tomate est excellente pour la foie, riche en vitamine C et en potassium. La tomate est bonne pour le cœur. Et contre les cancers chroniques, nutrition sur la tomate avec Jean-Marie Mayonga. La tomate est riche en fibres, en vitamine C et apporte aussi les minéraux. Selon Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, la tomate contient également des caroténoïdes. La tomate contient de la vitamine C en abondance. La tomate contient aussi les vitamines du groupe B, B1, B2, B6. La tomate contient également des minéraux. Pour les minéraux, il faut citer le potassium avec 222 mg par 100 g. La tomate contient aussi le fer et aussi le magnésium. La tomate contient assez d'eau, au moins 190% et de l'eau. À ce qui concerne des hydrates de carbone, la tomate contient assez des hydrates de carbone, mais pas annexé. La consommation d'au moins 10 portions de tomates par semaine diminue de près de 20% le risque de développer un cancer de la prostate. La tomate contient également un élément non nutritif qui s'appelle la lycopène, une substance très essentielle contre beaucoup de maladies, contre les cancers, contre beaucoup de problèmes qui peuvent nuire à notre santé. Au fait, la tomate, c'est un légume vraiment très, très recommandé à tout le monde, surtout les personnes qui souffrent de la prostate, qui ont les problèmes de la prostate, comme beaucoup de nutritionnistes plutôt la surnomment, la tomate peut aider à traiter les problèmes de la prostate. Selon ce chercheur, la tomate peut se manger sous forme de jus ou en salade. Les tomates sont une bonne source de vitamine A, importante pour la santé de vision et la croissance cellulaire. La tomate peut se manger étant cuite. La tomate peut se manger sous forme de jus. La tomate peut se manger dans la salade, à l'association avec d'autres légumes, ou bien on peut même les assaisonner au niveau des aliments, aux plats comme ça, plats alimentaires. Les personnes qui doivent manger la tomate en abondance, ce sont des personnes qui souffrent les problèmes de la prostate, les gens cancérisés comme ça, puisqu'il y a la lycopène qui traite beaucoup de maladies, peut aussi aider pour les problèmes des artères, des veines comme ça, artériosclérose. La tomate est une espèce de plante herbacée originaire du Mexique. Voilà, c'est sur cette chronique nutrition que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rekuimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikomananga. Bonne journée dominicale à toutes et à tous. Isanganiro.